Tu as sommeil. Tu ne dors pas assez. J'ai sommeil et pourtant je dors beaucoup. Ton fils est maigre. Il ne mange pas assez. Il est maigre, pourtant il mange beaucoup. Tes fleurs sont sèches. Tu ne les arroses pas assez. Elles sont sèches. Pourtant, je les arrose beaucoup. Ta fille s'ennuie. Elle ne sort pas assez. Elle s'ennuie. Pourtant, elle sort beaucoup. Tu fais des fautes. Tu ne travailles pas assez. Je fais des fautes. Pourtant, je travaille beaucoup.